pour les 30 ans de la revue Lichen, à toi Nadège qui l'incarne si bien, je t'adresse deux poèmes extraits d'un recueil titré « Écoute la lumière et vois le bruit » qui est en cours de traduction en occitan par Franck Bardou. Ces deux poèmes seront publiés prochainement dans les deux langues par les éditions Trobavox dans une anthologie au merveilleux titre « Fraternitas ». De la couronne de lumière au bas-ventre du royaume, en l'écho du langage sourd nimbé de silence, une faille pour que jamais ne fane les corolles de ta parole. Éclairé de rosée, tu chemines affranchi, apatride et sans mots sur le souffle de l'envol. Du bruit du temps profère ton ventre la matrice de vie et t'enracine libre au temps. Au dédale du ruban des jours, s'évapore dénudé nos visages enclins à pénétrer l'amande et le chant des étoiles. Exhume les étincelles des vases, notre réparation du monde. En voie de naître perpétuel, improbable, reparcours ta naissance la lecture du jardin où cieux, terre et ici germent en liberté pour insuffler intemporel lumière, nuit et jour. Comme une esthétique jouissance, impassible fin de se soustraire, tumultueux l'itinéraire du phrasé. À l'instar de noueuses amours, imparfaites épaule contre épaule, nommez pas la splendeur des noms. À te peindre avec mes mots, ta chevelure ondoyante au souffle des anges, perdue en le secret du langage, me dédie loyale ta voix, l'inapparent chant réparé de notre poème recommencé.